La joie de vivre, la joie de vivre. Je me sens libre, c'est la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de vivre. Je me sens libre, c'est la joie de vivre. Je veux courir sur la plage mouillée, et puis chanter jusqu'à exploser. Je veux bronzer, je veux faire l'amour de ta peau sucrée. Je veux faire le tour. La joie de vivre, la joie de vivre. Sans libre, c'est la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. Je me sens libre, c'est la joie de vivre. Je veux manger du boudin puré, rangé dans mon ventre. Tous les poissons panés, je veux sourire aux vieilles dans la rue. Je veux danser et montrer mon cul. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. Je me sens libre, c'est la joie de vivre. La joie de vivre, allez, je me sens libre, c'est la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, je me sens libre, c'est la joie. De vivre.